éphémère prod. Il est une face. Final, Romanos, nos fou. Fou, ya ya. Fulo, je sais que je couvre à mes fulos. Et si je fulo, je coupe au bébé mon slingo. Fulo, je sais que je couvre à mes fulos. Et si je fulo, je coupe au bébé mon slingo. Faut pas pleurer quand les cons se plaignent. La haine règne, les crimes peignent, on se plie au bain de sang. Récrant tiré, tout le monde au garde à vous pour s'en tirer. Tirer le bon coup, j'en ai juste un. Ma firme, mon crew, t'as juste un son inné. Tu sais que je suis né dans le sang. Si tu bronches, t'auras le nez dans le sang. Le flow est bien samplé, l'exemple c'est faire un feat de ouf, féroce, 4K déjanté. Même quand les gens disent, je dis, car le cycle s'égare. C'est pas du faux, ça arrivage de face, sous l'emprise de Sensi. Ma rage, tu vois, se consumer quand y'a une prise de Sensi. C'est une face dans le domaine sans verser le sang. Quitte à te percer du son, que les scènes dessous prennent les devants. Et sache que même le vent dans le dos pour avoir des souhaits. Ici, on prend les devants pour avoir le dessus. Ciekły, testa potrafił i przebiegły. Dobry sama poczucia temu uległ. Ja w Kirmanie hajsy, które uciekły, kurwa wybiegły. W taki pojedziu jazda jak na bestejszu. Będzie jak czoki w kurwieniu do topi. Alkohol mój drygi, jazda w uno smoki. To mój ranking, pijanego mistrza. Szu technika szaki, fu, uderza jak w banki. Tu czasa i strefa pansa, jak jeden do stu FMF-u. Furor napierdala z kusika. Git muzyka, to mistyka. Póki w kurwionej bestii huki serce pyka. Agresja coraz większa, statystyka. Tak, z tym jest gra, reszty brak. Kondorów kurwienie, bo to znak. Jak chcesz jeszcze więcej, to bro. Chcesz odwrócić coś, coś? Przywała odjebałaś to noś. Ciężary swoich błędów dość. Zjaramy złość, za to ma wpływ. Na mnie chodź, chodź, chodź. Furor, śródmiejski klimat, ulicy kuror. Ogarnia mnie furor. Ja w godzinę szczytu, nie mogę dodać czasu bez kitu. Bezpośrednio używam wtedy swego chwytu. To jest prawda, żeby żyć, trzeba mieć sporo kwitu. Odstawiony skręcę na czarną godzinę w pliku. Dla siebie samego jestem górą, tak wychodzę na system. Zatem mam patent na furor, na wszystko. Zatem mam patent na furor, na furor. Furor, czegoś kurwa mnie furor. Mówię przez furor, skupo wewnę moc na krok. Furor, czegoś kurwa mnie furor. Mówię przez furor, skupo wewnę moc na krok. Skupowany moc na krok. Furo, szykość kurwa mnie furo. Nie przyjdź furo, skupowany moc na krok. Maintenant dis le score, intoxication de flow. Dis le fort, cramé comme des gâtes. Qui dit le fort, je ferai mille efforts. Pour finir par mille efforts, pour que tu dises mais il est fort. Steve, les MC qu'on stiffe. Voudrait qu'on tape, mais presque au constat. C'est un son de test, ouais je passe classe. Beat facts, bon shit, popo, aya. Calicule le mic comme un paya. Donc l'aya, trop de veines qui montent comme l'Himalaya. Si tous mes sauces gueulent pour l'Himalaya. Black Lion, déterminé. On se clash et là c'est terminé. Pour les vermineurs, on présente pour les jeunes mineurs. Car on clash au mic, tous les vieux minables. Hardcore mon hardcore, mais les MC au vert. Te laisse que les tasses ouvertes. Changement d'état comme feu qui passe de faire. Kiffe mon style et pour le concert t'auras une place offerte. C'est pas de l'harcèlement, kiffe mon harcèlement, ouais. Je visionne mon objectif, toujours actif. En cachant les motifs, on tape sur la feuille. Fouillant ma folle, fuyant, cherchant la faille. Réalité qui mitraille, la peur en que mes entrailles. Là je m'interroge, la rage prend pas sur trois têtes de mon entourage. J'en ferme mon courage, la rime seule qui me soulage. Comme si l'orage déversait dans mes vers, c'est pour m'alléger. Et là je me suis comme ces pompins qui traînent, t'arrêtes, squat les bras. J'entends ma mère qui pleure en scrutant le pas. La mort discute en qu'on se quitte là-bas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il adviendra, je ne m'avouerai jamais vaincu au mic. Mon vécu fait que j'ai le sang franc, même quand on braque. Le shit, l'alcool sonne comme je n'ai qu'est trop. Va se mettre perdu, y'a plus de quiproquo dans mes propos. Plus de quiproquo dans mes propos. Yeah.